Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le très court mandat du gouvernement conservateur de Joe Clark en 1979. Je suis en train de me demander, moi, si la marque de commerce du gouvernement Clark n'a pas été d'une erreur à l'autre. La devise canadienne, ou les armoiries canadiennes nous parlent d'un océan à l'autre, mais la caractéristique du gouvernement Clark pendant ces 7 derniers mois pourrait, je pense bien, s'identifier d'une erreur à l'autre. Le chef du Crédit social, Fabien Roy, qui résume par cette formule assassine le très court mandat du gouvernement minoritaire conservateur de Joe Clark, élu plus jeune premier ministre de toute l'histoire du pays le 22 mai 1979, Joe Clark devra annoncer la dissolution de son gouvernement quelques mois plus tard à la suite du rejet du premier budget de son administration à la Chambre des communes. C'était partout une grande victoire pour nous, sauf dans la province du Québec. Et je reste décidé de former un gouvernement vraiment national, un gouvernement qui peut représenter tous les coins du Canada. Il y aura dans mon cabinet les représentants efficaces, respectés et forts de la province du Québec. Joe Clark s'adressant aux électeurs le soir de son élection comme premier ministre du Canada le 22 mai 1979 pour nous parler de ce très court mandat des conservateurs de Joe Clark, l'historien Éric Bédard, professeur à la TELUC, collaborateur régulier de l'émission. Éric Bédard, bonjour. Bonjour. Dans quelles circonstances, dans quel contexte Joe Clark réussit à prendre le pouvoir en 79? Dans un contexte où le gouvernement de Pierre-Éliott Trudeau était au pouvoir depuis 1968, donc depuis déjà 11 ans, c'était un gouvernement usé et qui avait décidé de faire porter la campagne de 1979 sur l'enjeu constitutionnel, sur l'enjeu du rapatriement de la Constitution. Et selon les sondages de l'époque, c'est pas nouveau qu'on dirait qu'il y a une fatigue constitutionnelle. Seulement le quart des électeurs considérait que c'était un enjeu central, majeur, important. Et donc, le gouvernement Trudeau avait été battu, avait fait élire seulement 114 députés, mais avait quand même récolté 40% des voix, ce qui était presque 5% de plus que les vis-à-vis conservateurs, qui, eux, avaient fait élire 136 députés. Et vous aviez le nouveau Parti démocratique avec 26 sièges et le Parti du Crédit social avec 6 sièges. Donc, les conservateurs sont élus minoritaires. À l'époque, il y a 282 députés à la Chambre des communes. Et s'il y avait eu alliance oui. entre les conservateurs, les progressistes conservateurs et le Parti du Crédit social avec ses 6 députés, eh bien, les conservateurs auraient pu gouverner pendant plusieurs années. Oui. Et Sir Clark va le refuser, puis on y reviendra dans quelques minutes, mais il décide, malgré ce statut de minoritaire, il décide qu'il va gouverner en majoritaire, comme gouvernement majoritaire. Oui. On va parler de la personnalité de Joe Clark parce que c'est intéressant pour la suite des choses. Écoutez, à ce propos, le reportage de Jean-Michel Le Prince, qui est diffusé ce reportage-là le lendemain de l'élection de Joe Clark comme premier ministre. Le reportage débute en revanche en rappelant, parce que tout se tient, vous allez voir, en rappelant les circonstances qui ont d'abord mené à l'élection de Joe Clark, mais comme chef du Parti conservateur en février 1976. Inconnu de tous, sous-estimé comme d'habitude, il a su se proposer comme le second choix de tout le monde et ça a suffi pour battre des vedettes comme Wagner, Mulroney et Horner. Joe Clark a dû attendre plus de 2 ans pour que finalement, on cesse de se poser la question célèbre et malicieuse du Toronto Star, Joe Who. Mais même encore aujourd'hui, pourquoi le connaît-on si mal? Ce n'est pas facile parce que tout chez lui paraît banal. Son physique, son intelligence, son caractère, ses goûts même, n'appellent au premier abord qu'un seul qualificatif, ordinaire. Joe Clark, ce n'est pas un philosophe, ni un idéaliste. Il n'offre pas de vision particulièrement exaltante de l'avenir du pays. Et si c'est un peu de rêve que les Canadiens veulent, avec lui, ils n'en auront pas. Par nature, on le sait, il n'est pas homme à soulever les foules. Ce qu'il possède surtout, ce sont des talents incontestables de gestionnaire. Jean-Michel Le Prince, à Montréal. Ah, ça nous en dit long, ce reportage, hein, sur la personnalité de Joe Clark, Éric Bédard. C'est un reportage sans concession, ouais. Mais assez juste, parce que, bon, alors, rappelons le contexte. Joe Clark devient le chef du Parti progressiste conservateur après une campagne à la chefferie assez déchirante entre différentes factions du parti. Il faut voir que le Parti conservateur, au milieu des années 70, est dans une phase un peu de redéfinition. Il y a encore l'ombre de John Diefenbaker qui plane sur ce parti. Il a été chef jusqu'en 1967. Et John Diefenbaker était l'héritier d'un courant nationaliste canadien, très anti-américain, très attaché aussi aux racines britanniques, monarchistes du Canada. On sait que le Canada, sous Diefenbaker, avait été un des seuls pays à ne pas, à se méfier de la sortie de John Kennedy sur les missiles à Cuba. Là. Ouais. Il avait demandé d'avoir des preuves de l'ONU. Alors, il y avait un anti-américanisme, un nationalisme, un attachement aux institutions britanniques. Il y avait aussi un autre courant, donc ça c'était aussi un populisme qui venait de plus de l'Ouest. Il y avait les Tories du centre et des maritimes. Et donc c'était un parti qui était en redéfinition. Cette vision du Canada était un petit peu anachronique, ça ne fonctionnait plus. Choisir un chef, c'est choisir la vision qu'on veut donner au parti. Voilà, et là on sent que le parti à ce moment-là se cherche, ouais. se cherche une espèce de vocation. Ensuite... il y avait des candidats forts. Il y avait Flora McDonald, qui était candidate à la chefferie, une femme qu'on associait au courant plus de gauche, plus progressiste des conservateurs. Il y avait aussi Brian Mulroney, qui s'est repris par la suite, qui avait fait une campagne d'un peu de jeune parvenu, on dirait de yuppie, on allait dire plus tard de yuppie, mais qui n'avait pas fonctionné. Ça faisait trop nouveau riche. On avait pensé qu'il avait voulu acheter le Congrès, etc. Il y avait Claude Wagner, un ancien ministre de la Justice. Et il y avait lui, et comme le dit Jean-Michel Leprince, c'est assez juste, on s'était un peu rabattu sur Joe Clark comme un bon second. Il se faufile, finalement. Qui se faufile, comme on dit en anglais, le dark horse. On ne sait pas trop d'où il sort, mais finalement, après plusieurs tours, il en vient à s'imposer. Alors, c'est pas un homme qui a un énorme charisme. En effet, pendant très longtemps, il y avait cette blague du Joe Who qui circulait. Ça a circulé jusqu'à l'élection de 1979, c'est quelqu'un qui n'avait pas terminé ses études en droit dans une tradition politique canadienne où tout le monde est avocat, c'était très très mal vu, même s'il avait une maîtrise en sciences politiques. C'était quelqu'un aussi qui était gauche. Quand il était premier ministre, il arrive à Nairobi, doit signer un livre d'or et le stylo qu'il a utilisé ne fonctionne pas. Et là, sa femme Maureen McTeer, qui avait beaucoup de caractère, on entend dire t'as encore oublié ton nom. Alors c'est pour se moquer de lui. Alors, cette image d'un homme gauche, d'un homme qui... Et évidemment, son physique, certains s'en moquaient, il n'était pas nécessairement un jeune premier. Alors, tout ça... Il y a des concours, l'histoire du concours Ontario. J'ai trouvé cette anecdote assez dure, mais assez drôle. C'est qu'il y avait un festival populaire en Ontario où on a lancé un concours lorsqu'il était premier ministre pour trouver un sosie à Joe Clark, ouvert à tous ceux who has an oversized head, large ears and hardly much of a chin. Ouais, c'est un peu, dur. Ouais. Mais quand même, il va réussir d'abord à se faufiler dans cette course à la direction où, encore une fois, c'est important de le rappeler, il y avait de grosses pointures. Il gagne, entre autres devant Mulroney, qui va se rattraper, comme vous le disiez, devient chef en 76, est élu, donc, en 79. Ça va pas durer longtemps, on va voir pourquoi. Mais d'abord, la difficulté qu'ils ont, et ça, il n'y a pas que Joe Clark... Ils sont pas au pouvoir depuis 16 ans, les conservateurs. Et ça va être fondamental. Ça, c'est un gros problème. Quand vous avez une équipe aussi peu expérimentée, Joe Clark n'avait jamais lui-même exercé des fonctions ministérielles avant de devenir premier ministre. Aucun de ses ministres n'avait de fonctions ministérielles. Seulement deux avaient une expérience ministérielle dans des provinces, dont John Crosby, son ministre des Finances, bouillant ministre des Finances. Donc, c'était un gouvernement qui a rapidement été vu comme un gouvernement d'amateurs, marqué par l'indécision, par la difficulté à prendre des décisions. Je vous donne un exemple. Margaret Thatcher est élue la même année, en 1979. Elle annonce la composition de son cabinet en 48 heures. Elle tient son premier conseil des ministres après 72 heures et elle annonce son premier budget après un mois. Si on compare ça avec Joe Clark, élu la même année, on attend au moins 2 semaines pour choisir son cabinet, 4 mois et demi avant de convoquer la Chambre et 6 mois avant le premier budget. Ouais. Alors, ça va lui coller à la peau cette espèce d'amateurisme et aussi d'indécision. Ouais. Et pourtant, il va, malgré tout ce que vous venez de dire, il a une espèce de confiance, il décide qu'il va gouverner en majoritaire. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs choses qui circulent, il y a plusieurs hypothèses là-dessus. Il y aurait eu cette hypothèse au sein du gouvernement Clark que un certain nombre de députés libéraux ne voulaient pas aller en élection, ils avaient peur de perdre, parce que s'ils perdaient, ils n'auraient pas eu le nombre suffisant d'années pour avoir leur pension. Oui. Il y avait cette espèce de calcul un peu cynique. Deuxième élément, Pierre-Éliott Trudeau avait laissé entendre que s'il était battu, il s'en irait, donc les libéraux devraient se chercher un chef, donc ne battraient pas le gouvernement. Et troisième élément, on était convaincus que les créditistes s'accrocheraient à leur siège puisqu'ils étaient en déclin, ce qui était vrai. Oui. Depuis les années 70, depuis les belles années de Réal Caouette, il y avait un déclin du vote populaire en faveur du crédit social. Donc, toutes ces raisons concouraient à laisser croire que on avait au moins un an pour gouverner à notre guise, oui, sans se faire trop embêter par l'opposition. Un autre élément à ne pas sous-estimer, qui était évoqué par certains historiens, c'est qu'en 1957, il y avait cette théorie qui circulait chez les conservateurs. En 1957, c'est une théorie véhiculée par un certain Gordon Churchill, un proche de Diefenbaker. Les conservateurs en 57 avaient été élus minoritaires et le pari qu'ils avaient est sans le Québec, un peu comme les conservateurs de 79. Et le pari des conservateurs de l'époque, c'était de dire on va gouverner en majoritaire, on va poser des gestes d'éclat. Et les Canadiens français étant assez sensibles au patronage, c'est un peu la mauvaise réputation qu'ont parfois les Canadiens français au Canada anglais. Eh bien, on va leur proposer des fioles, des petites choses, des postes intéressants, et on va les avoir comme ça. Et en 58, en effet, les conservateurs sont rentrés. Diefenbaker passe même au Québec. Avec une très forte majorité, même au Québec. Ouais. On fait un peu le même calcul. On se dit, si ça a marché en 57, ça va peut-être marcher en 79. Eh bien non, ça ne fonctionne pas tout à fait. Ouais. Donc, mauvais calcul au départ. Et puis, une perception qu'ont les conservateurs du crédit social qui est pas très positive. Parce qu'au fond, la clé, elle aurait pu être là. Vous l'évoquiez dès le départ, Éric Bédard. Une alliance créditiste-conservateur, c'est pas une alliance contre nature. C'est pas du tout une alliance contre nature. Les créditistes étaient au plan fiscal et au plan culturel très conservateurs, mais au plan fiscal. Ils considéraient que trop de taxes, c'était une mauvaise chose. Donc, oui, il aurait pu y avoir une alliance entre les créditistes et les conservateurs. Mais je vous donne un exemple. En 1974, les créditistes n'avaient fait élire, si ma mémoire est bonne, que 11 députés. Or, on leur avait quand même accordé un statut de parti à la Chambre des communes, même s'ils n'avaient pas le nombre suffisant de députés. On les avait reconnus. Évidemment, le Crédit social fait la même demande en 1979. Remarquez, ils ont moins de voix, moins de sièges. Si les conservateurs avaient été bons joueurs, ils auraient pu leur donner, mais pas question. Ouais. On est carré. La ligne dure, et évidemment, tout ça irrite les créditistes, les 6 créditistes, qui n'auront pas beaucoup de sympathie pour ce gouvernement, donc. Alors, ça va durer à peu près 6 mois, ce gouvernement. Quand on fait le bilan, commençons par la politique étrangère, puis soyons beaux joueurs. Commençons par, au fond, l'un des bons coups de ce gouvernement, et je pense à la question des réfugiés vietnamiens, Éric. Absolument. Alors, il y a, durant l'été, il y a des images saisissantes de boat people qui naviguent sur les eaux asiatiques. Et le Canada est un chef de file. Le Canada lance un grand programme de parrainage. Le Canada s'engage à parrainer autant de gens que les Canadiens. Donc, si les Canadiens parrainent un certain nombre... Et il y en a 8000 juste au Québec qui seront parrainés par des simples citoyens d'un peu partout à travers le Québec qui sont accueillis. Et ça, c'est un beau programme. Et le Canada est un chef de file et vraiment, c'est un beau fleuron. Par contre, dans 2 dossiers, mais surtout dans 1, il y a un cafouillage assez spectaculaire. Le premier de ces cafouillages, c'est tout l'enjeu de la capitale d'Israël. Ouais. Et ça va devenir en fait une crise majeure. Puis je vous avoue qu'en préparant cette émission, je me disais de quoi je me souviens de ce gouvernement Clark de 79. Et c'est ça qui m'est venu tout de suite en tête. Cette décision de déménager l'ambassade canadienne d'Israël de Tel Aviv à Jérusalem. On écoute un extrait d'une entrevue avec Lise Bissonnette, qui est à l'époque éditorialiste au Devoir, à l'émission ce soir en octobre 79. Puis on reparle de tout ça ensuite, Éric Bédard. Lise Bissonnette du Devoir est avec nous en studio. Bonsoir, Lise Bissonnette. Bonsoir. Si je me rappelle bien, vous avez été une des premières journalistes durant cette longue campagne électorale à signaler cette promesse de M. Clark qui avait été faite dans la région de Toronto, d'ailleurs. Oui, en fait, je l'avais signalé surtout comme une sorte, comme une erreur politique, non pas. Je ne m'étais pas certainement prononcée sur le fond, mais il m'apparaissait que de bouleverser la politique extérieure du Canada comme ça, en quelques secondes, un soir de campagne électorale, c'était assez irresponsable. Vous n'y aviez pas cru? Vous dites en quelques secondes, un soir de campagne électorale, vous aviez pris ça pour une... Certainement. M. Clark n'a jamais été renommé pour connaître beaucoup de choses en affaires extérieures. Et il le dit lui-même, d'ailleurs, assez souvent, en fait. Alors, c'était un bouleversement profond, en fait, parce que le Canada, on le sait, sur la scène internationale, a toujours eu une réputation de pays relativement neutre. Et là, en quelque sorte, il prenait position. Alors ça, cette décision, ça va vraiment conduire ce gouvernement dans une crise politique majeure. Ah, il faut rappeler, expliquer à nos auditeurs, premièrement, que... Israël considère que c'est Jérusalem, sa capitale historique, politique, pas seulement religieuse. Mais évidemment, Jérusalem a un statut particulier puisque d'autres grandes religions monothéistes considèrent que c'est une capitale religieuse fondamentale. Et donc, de décider, alors qu'en ce moment, et d'ailleurs en ce moment, l'ambassade du Canada est toujours à Tel Aviv. Ouais. Tel Aviv, c'est presque une ville européenne. C'est une belle ville sur le bord de la mer. C'est plus neutre aussi. C'est plus neutre, dans voilà, ce contexte, c'est ça. Proche-Orient. Ouais. Et donc, de décider que l'ambassade du Canada passera de Tel Aviv à Jérusalem, c'est cautionner, c'est adhérer à cette idée que Jérusalem est non seulement la capitale historique, religieuse, culturelle, mais la capitale politique de l'État juif, de l'État des Juifs, comme aurait dit Théodore Herzl. Donc, c'est une décision très lourde de conséquences. C'est fait en effet en campagne électorale pour montrer son appui à Israël, la seule démocratie de la région, répète-t-on encore aujourd'hui, mais c'était un peu la position des progressistes conservateurs. Remarquez, Jimmy Carter avait pris le même engagement durant sa campagne de 1976. Ah bon? C'était engagé aussi à faire ce geste, mais il n'a pas respecté son engagement, il y a trop de pression. Donc, il arrive au pouvoir, il est élu, alors on lui demande « est-ce que vous allez le faire ?»« Oui, on va le faire ». Réponse rapidement, presque dans un scrum un peu improvisé. Flora McDonald, qui est sa secrétaire d'État, donc la ministre des Affaires étrangères du Canada, la première femme d'ailleurs à occuper un tel poste, va réitérer la décision du Canada. Et là, les problèmes commencent. Oui. Les problèmes commencent parce que Yasser Arafat immédiatement condamne cette décision et une campagne de boycott s'organise dans tous les pays arabes contre le Canada, notamment par rapport aux banques. Et ça, ça fait très mal. On sait le poids des banques au Canada. Donc là, pour sortir un peu de l'impasse, Joe Clark nomme son prédécesseur, Robert Stanfield, lui demande de faire enquête, de lui faire une proposition. Et comprenons-nous bien, c'est une décision chargée, importante, puisqu'en 78, l'année précédente, il y a eu les accords du camp David, donc il y a un processus de paix. Oui. Et là, c'est ça le problème. On accuse Joe Clark et le gouvernement conservateur de court-circuiter le processus de paix. Bon, on quitte les affaires étrangères pour parler des affaires internes, de la question nationale au Québec. C'est 79, les mois qui vont précéder. On est en pleine campagne pré-référendaire au Québec. René Lévesque est en train d'organiser le premier référendum sur la souveraineté. Quelle est la position de Joe Clark sur le plan constitutionnel? Pour comprendre Joe Clark, il faut d'abord comprendre aussi son vis-à-vis, Pierre-Éliott Trudeau. Pierre-Éliott Trudeau veut rapatrier la Constitution, très bien. Tout le monde est plutôt d'accord avec ça. Mais il veut aussi refonder le Canada. Il veut proposer un nouveau pays, avec une charte des droits, avec un multiculturalisme. Mais un pays aussi où le centre joue un rôle fondamental pour fixer les grandes normes canadiennes. Ouais. Alors, Joe Clark est opposé, premièrement, à toute cette grande saga constitutionnelle un peu solennelle. Il trouve que c'est long, c'est compliqué, et surtout, il conteste l'approche de Pierre-Éliott Trudeau, trop centralisatrice. Et sa vision, elle est simple. Il considère que le Canada, c'est une communauté de communautés, au pluriel, faite de régions, de nations fondatrices, de provinces. Il a une vision décentralisée du Canada. Et donc, il est tout à fait, d'ailleurs, en porte-à-faux avec la vision d'un John Diefenbaker, du One Nation. Pour lui, le Canada, c'est une communauté de communautés, et il se propose un peu comme une sorte de chef d'orchestre. Donc, le Canada, c'est la somme de ses parties, au fond, alors que pour Pierre-Éliott Trudeau, le Canada, c'est autre chose. Mais cette perspective, elle est tout à fait respectable, mais dans le contexte de 1979, il y avait plusieurs Canadiens, Anglais surtout, qui restaient sur leur faim. Et on peut se demander, a posteriori, parce que l'un des... Il va tomber, ce gouvernement de Joe Clark, et la principale conséquence politiquement, ce sera le retour de Pierre-Elliott Trudeau au pouvoir au moment du référendum de 80. On peut se demander dans quelle mesure ça a changé la donne en 80. C'est sûr que si on avait eu Joe Clark en face de René Lévesque, symboliquement et politiquement, ça aurait été... C'est un adversaire de autre calibre. Mais en même temps, il avait une vision plus souple du Canada, c'est sûr que ça aurait pu changer la donne, en effet, en campagne. Je voudrais informer la Chambre que j'ai rencontré le gouverneur général ce matin et par proclamation sur le grand saut en date de 14 décembre 1979, le présent Parlement est dissous, la date de l'élection et le 18 février 1980. Donc, Joe Clark annonce la dissolution de son gouvernement le 14 décembre 1979. Il est donc défait sur son premier budget. Est-ce que c'est un prétexte? Pourquoi est-ce qu'il est défait, Éric Bédard? Bon, alors, il est défait parce que, essentiellement, son budget annonce une hausse de la taxe sur le gallon d'essence de 18 sous. Donc, il va passer de 7 à 25 sous du gallon, taxe d'assise. Et le prétexte, c'est parce qu'on veut réduire le déficit de moitié d'ici, on est en 79, d'ici 83-84. C'est une époque où le taux d'inflation est extrêmement élevé. On est dans l'ordre de 11% par année, le taux d'inflation à l'époque. Les taux d'intérêt aussi sont assez élevés. Alors, c'est là-dessus, écoutez, on peut pas imaginer plus belle fin en queue de poisson. Là. Ouais. On parle pas d'une vision transcendante du pays ou une politique nationale à la Johnny McDonald ou un élément de politique étrangère fondamental, les missiles nucléaires sur le territoire. Là, on est sur une taxe d'assises sur l'essence et les conservateurs sont incapables de convaincre les créditices de les suivre là-dessus. Que les néo-démocrates et que les libéraux n'aient pas voté pour le budget, ça peut se comprendre. Je veux dire, c'est quasiment toujours le cas que l'opposition, alors que c'était un budget considéré trop conservateur au plan fiscal. Il y avait aussi des baisses d'impôts qui étaient prévues. Bon, ça pouvait agacer les libéraux et les néo-démocrates, qui avaient d'ailleurs été assez proches durant le gouvernement minoritaire de 1974 à 76 de Pierre-Elliott Trudeau, mais qui était incapable de convaincre les créditices. Ça, c'était quand même assez impardonnable au point de vue de la stratégie politique. Oui. Alors que l'une des qualités qu'on lui reconnaissait, c'est d'être peut-être un bon administrateur. Oui, alors là, c'était raté. Ouais. C'était raté et ils étaient tellement confiants qu'ils avaient permis à Flora McDonald, leur ministre des Affaires étrangères, secrétaire d'État, de participer à une réunion de l'OTAN à Bruxelles. Ouais. Donc, elle était même pas présente pour le vote. Et pendant ce temps-là, les libéraux, ben, s'étaient assurés qu'il y avait un député qui sortait d'hôpital. On l'a ramené en chambre pour qu'il puisse voter. En un mot, Éric Bédard, qu'est-ce que l'histoire aura retenu de ce très, très court mandat de Joe Clark? Ben, je crois que ce qu'on retiendra, c'est un parti conservateur qui se cherche, qui n'a pas encore trouvé le sens de sa vocation, qui se cherche un projet pour le Canada et aussi de nombreuses maladresses de la part de gens qui étaient plutôt inexpérimentés. Éric Bédard, collaborateur régulier de l'émission, professeur à la TELUC. Merci, Éric. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.